Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 13 et oui, certains ne vont pas aimer la journée d'aujourd'hui, les superstitieux, ceux qui ont vraiment peur que quelque chose leur arrive. Mais ne vous inquiétez pas, c'est une journée comme les autres. Nous fêtons une bonne fête aux aimés et le dicton du jour nous dit « À la santé mais point de mouton affamé ». Pas de célébration internationale, pas d'événements marquants qui se sont déroulés un 13 septembre. Du coup, on va faire un point sur les événements qui ont lieu dans les Vosges à partir d'aujourd'hui. Et il y en a pas mal d'ailleurs. Et on va commencer tout de suite avec du jazz. C'est Chris qui nous présente cet événement. Bonne, Madame Isabelle Sartori pour nous parler des cafés jazz et cafés chansons. Bonjour. Bonjour. Donc, pouvez-vous nous parler de cet événement ? Alors, en fait, la nouvelle saison débute effectivement vendredi. Il s'agit de la 28e saison de l'association Labor Entendu avec des cafés jazz et des cafés chansons qui vont être programmés pendant toute la saison. Premier vendredi et le dernier, ce sera le vendredi 10 avril 2020. Donc, des rendez-vous de jazz en priorité, et quelques rendez-vous chansons également qu'il faudra bien noter. Et puis on démarre vraiment brillamment cette saison avec vendredi au Lavoir Théâtre Georges Brassens, petit lieu complètement adapté à ce type de répertoire. On commence brillamment avec Toucas Vasco Trio, autrement dit Crescenio Toucas à l'accordéon, Thierry Vaillot à la guitare et Prabhu Edouard au tabla pour un superbe beau voyage musical qui va partir du sud de l'Europe pour aller vers les différentes mers et océans. On va côtoyer l'Inde, on va côtoyer l'Amérique du Sud. Et c'est vraiment trois grands, immenses talents qui sont réunis sur la scène du Lavoir Théâtre pour ce beau premier rendez-vous consacré au jazz. D'accord, donc on rappelle la date. Vendredi 13 septembre, c'est à 20h30 au Lavoir Théâtre Georges Brassens. Et si vous voulez réserver votre place, vous pouvez téléphoner au 03 29 31 04 85. D'accord. Et une adresse mail peut-être ? Pardon ? Une adresse mail peut-être ? Oui, alors isabelle.sartori@epinal.fr. isabelle.sartori@epinal.fr. Ben, je vous remercie d'avoir pris quelques minutes pour nous parler de cet événement. Tarif plein est à 15 euros et tarif réduit 10 euros pour les étudiants de moins de 25 ans, les jeunes et les chômeurs. D'accord, et bien... Merci à vous. Merci. Et donc si vous organisez un autre événement très bientôt, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on en parle sur nos ondes. Aucun problème, ça sera fait. Très bien. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà pour le jazz et autre ambiance. Si vous êtes plutôt photo, eh bien, il y a une expo et c'est Lia qui va nous en parler. Internet et aujourd'hui avec nous Sophie Grivet. Sophie, bonjour. Bonjour à tous. Comment ça va? Mais super bien. Eh bien, très belle rentrée. Alors aujourd'hui, on parle avec vous d'une exposition qui déroulera à partir du 13 septembre de cette année sur les mystères des Vosges. C'est bien ça? Tout à fait, les mystères révélés des Vosges secrètes, wow. Tout un programme. Quel thème incroyable. Alors au début de l'été, la ville de Plombières-les-Bains, hein, je cite, avait lancé un appel à candidature pour la sélection des photographes, donc pour sa toute première exposition photographique, donc sur le thème des mystères révélés des Vosges secrètes. Donc là, c'est plusieurs photographes, amateurs comme professionnels, qui participent à cette exposition. Oui, tout à fait. On a environ... 70 photos qui vont être présentées dans toute la ville. Waouh, incroyable! Où est-ce qu'on pourra admirer ces photos dans Plombières-les-Bains? Alors, il y a en fait tout un parcours. Ça commence bien à l'entrée de ville, promenade de mesdames. Oui. Donc, à proximité des parkings. Ensuite, vous avez un espace photo au square Jean-Marie Gury, mm-hmm. au centre de la ville historique. Puis, une autre partie de l'exposition dans les jardins des Thermes Napoléon. D'accord. Et ça se termine à l'entrée du parc impérial pour se poursuivre autour de l'étang. Waouh, ça doit être très très beau, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'on va un petit peu découvrir dans ces photos? Est-ce que on va découvrir des lieux qu'on ne soupçonne pas? Oui, tout à fait. Vous avez des photos qui concernent des paysages un peu extraordinaires, des lieux auxquels on ne pense pas ou des situations un peu musicale, aussi une part d'imaginaire qui est proposée aux visiteurs. Et c'est une exposition qui va se prolonger jusqu'en mai. Et oui, et oui. Donc toutes ces photos vont être, j'imagine, pas exposées dehors. Eh bien, si, c'est en plein air. Waouh, d'accord. Donc accessible à tous. Il suffit de prendre ses petites jambes et de marcher un peu. Mais elles sont en plein air, en effet. D'accord. Donc elles sont bien protégées, ces photos, pour ne pas être altérées par. Oui, tout à fait. On a travaillé avec une entreprise que je vais citer parce que nous avons un partenariat avec eux. L'entreprise Monnier nous a fait des tirages justement spéciaux sur des supports spéciaux pour pouvoir résister aux intempéries d'hiver. Eh ben dis donc, que d'organisation. Oui. Donc là, on va pouvoir retrouver à travers ces photos donc divers lieux, hein, on l'a dit, des lieux qu'on ne soupçonne parfois pas du tout, mais qui ont été pris en photo sur plusieurs communes, hein, c'est bien ça? Voilà, en fait, c'est une exposition qui est en rapport avec... la marque Vosges Secrète, hein, que va lancer la communauté de communes de la porte des Vosges méridionales. Et donc les lieux figurent dans cette exposition sont tous situés dans cet espace. Plombières-les-Bains, Val d'Ajol, Girmont-Val d'Ajol, Remiremont. Voilà, tout à fait. Saint-Amé, Saint-Étienne-les-Remiremont, ça tombe bien, on vous parle de Saint-Étienne-les-Remiremont justement. Oui. Et Saint-Nabor, Vecoux, Dommartin-les-Remiremont et Éloie. Hein. Voilà, ouais. Voilà. Donc, si vous êtes habitant de toutes ces communes, eh bien, n'hésitez pas à aller voir, justement, du 13 septembre 2019 au 31 mai 2020 à Plombières-les-Bains, dans les lieux que nous a cités Sophie juste avant. Donc, vous pouvez peut-être vous rendre également sur un site internet où on peut retrouver quelques informations. Oui, bien sûr, le site internet de la mairie de Plombières-les-Bains. Oui. Où là, vous aurez toutes les infos qu'on vient de citer, mais par écrit, qui vous permettra de faire votre petite aide-mémoire. Eh ben voilà, super. Et puis, si vous n'habitez pas dans ces communes, eh bien, surtout, faites-vous plaisir. Hein. On a juste des paysages, des lieux incroyables ici. Donc, voilà, ça va être un régal pour les yeux. C'est en accès libre et gratuit. Donc, il ne faut pas hésiter. Eh bien, merci beaucoup, Sophie, d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et je souhaite une bonne promenade photographique à vos auditeurs. Eh ben voilà, super. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Bon week-end. Voilà, pour l'expo photo, on va arrêter un petit moment hein, dans les événements qui ont lieu en ce moment dans le département. On va s'écouter tout de suite Oasis avec le titre Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. Not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, pour Oasis sur RGM, un peu plus de 8h42. On fait un point sur les anniversaires qui sont nés un 13 septembre 1944, naissance de Jacqueline Bisset, actrice britannique vue dans Bullitt dans le rôle de Cathy, Le Crime de l'Orient Express, la série télé Ally McBeal ou encore Rizzoli and Isle. 1951, naissance de Jean Smart, actrice américaine vue dans 24 heures chrono dans le rôle de Martha Logan, Hawaii 5-0 ou encore Fargo. 1952, naissance de Randy Jones, chanteur américain du groupe Village People, retour des années en arrière avec leur titre, leur tube YMCA. Pour l'extrait des Village People, 1965, naissance de Zach Starkey, batteur britannique du groupe Oasis. 1968, naissance d'Emma Söderberg, actrice suédoise connue pour son rôle de Petra dans Taxi 1, 2, 3 et 4. 1970, naissance de Louise Lombard, actrice britannique connue pour son rôle de Sophia Curtis dans la série Les Experts. 1971, naissance de Stella McCartney, styliste britannique, fille de Paul McCartney. 1973, naissance de Christine Aron, ancienne athlète française, spécialiste du sprint. Championne du monde du relais 4 x 100 mètres en 2003. Elle compte également au championnat du monde une médaille d'argent et 3 de bronze. Détentrice depuis 1998 du record d'Europe du 100 mètres. Au championnat d'Europe, elle compte 2 médailles d'or et 1 d'argent. Et à noter qu'aux Jeux Olympiques, elle a remporté une médaille de bronze. 1977, naissance de Fiona Apple, chanteuse américaine, notamment connue pour le titre Across the Universe, dont on écoute tout de suite un extrait. Slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Voilà pour l'extrait de Fiona Apple. On continue 1993, naissance de Neil Horan, musicien, chanteur irlandais, ex-membre des One Direction. 1995, naissance de Robbie Kay, acteur britannique, vu dans le film Pinocchio, un cœur de bois, dans le rôle de Pinocchio, Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, la série télé Once Upon a Time, dans le rôle de Peter Pan, et vu également dans Grey's Anatomy. 1996, naissance de Lily Reinhart, actrice américaine, connue pour son rôle d'Elizabeth Cooper, dite Betty, dans la série à succès Riverdale. Et en 1996 est décédé Tupac Shakur, rappeur américain. Tout de suite, on s'écoute Neil Horan avec son titre Slow Hands. Cause I want you, babe. Yeah, I want you, baby. I've been thinking about it all day, and I hope you feel the same way. Yeah, cause I want you. Yeah, I want you, baby. Slow, slow hands, like sweat dripping down my dead laundry. No, no chance that I'm leaving here without you on me. I know, yeah, I already know that there ain't no stopping your plans in those slow hands. Yeah, I want you, baby, so, so hands, like sweat dripping down my dirty laundry. No, no chance that I'm leaving you without you on me. I know, yeah, I already know that there ain't no stopping your plans in those so hands. Fingertips putting on a show, got me now and I can't say no. Wanna be with you all alone. Take me home. Fingertips putting on the show. Can't you tell that I want you, baby? Yeah. Slow hands, like sweat dripping down my dirty laundry. No, no chance that I'm leaving here without you on me. Lorane sur le 107 FM, 8h49, on parle tout de suite météo. La météo. Très belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 11 et 12 degrés ce matin, entre 24 et 26 degrés pour cet après-midi. Nous aurons un très beau week-end ensoleillé avec pour samedi des températures comprises entre 13 et 14 degrés le matin, entre 24 et 26 degrés samedi après-midi. Dimanche entre 12 et 13 degrés le matin, entre 26 et jusqu'à 27 degrés prévus pour dimanche après-midi. Allez, on fait tout de suite un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. On commence avec du volley, les championnats d'Europe et belle rentrée en compétition de l'équipe de France qui s'est imposée 3-7-0 hier face à la Roumanie. Prochain match pour les Bleus, ce sera samedi contre la Grèce. Un mot de basket maintenant avec les championnats du monde. Cet après-midi, 14h, demi-finale. France-Argentine, tous derrière les Bleus. Un mot de hockey sur glace en Détroit. Le match qui devait avoir lieu demain soir à la patinoire de Poissonpris, hein, qui devait opposer Épinal à Colmar. Et malheureusement annulé. L'équipe d'Épinal jouera son prochain match. Et bien, ce sera le début de la saison, le 21 septembre à Westcal. D'ailleurs, il y a un bus de supporters organisé pour faire le déplacement, si cela vous intéresse, pour encourager les Verts et Noirs. Et donc, le prochain match à Poissonpris, ce sera le 28 septembre, donc à 18h, comme d'habitude. Un mot de tennis maintenant avec une information concernant Kim Clijsters qui a annoncé hier son retour. C'est son deuxième comeback 7 ans après. Donc voilà, la joueuse a décidé de revenir sur les courts de tennis. Un mot de football maintenant avec le programme de la Ligue 1. Ce soir, Lille-Angers, Amiens-Lyon, samedi PSG-Strasbourg, Bordeaux-Metz, Brest-Rennes, Montpellier-Nice, Dijon-Nîmes, dimanche Nantes-Reims, Saint-Étienne-Toulouse et on terminera avec Monaco-Marseille. En Ligue 2, ce soir, Nancy se déplace à Guingamp et en basket samedi en National 1 le Jet Vosges affrontera le club de Nyon, c'est un club suisse, et en National 3 Mirecourt se déplacera à Saint-Charles-Charenton-Saint-Maurice. Voilà pour l'actualité sportive, on va tout de suite marquer la dernière pause avec Tupac et le titre California Love. California Love. California. untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass hemp be. The state where you never find a dance floor empty and pimps be. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon, now it's 95 and they clock me and watch me diamond shining, looking like I robbed Liberace. It's all good, from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pain. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. California. Voilà, c'était Tupac avec son tube California Love sur RGM. 8h57 et c'est donc l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, eh bien, on va faire un petit point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. On en a pris l'habitude, hein, rendez-vous à 9h avec Un Autre Monde. Ensuite, ce sera 13h30 la rediffusion des Secrets de Mathilde, 14h rediffusion de J'aimais, je vous le lis, 15h ce sera Jazz Time, 21h rendez-vous avec Vincent pour vivre et créer à la montagne. Et nous, on se donne rendez-vous lundi matin, même heure, même endroit. Je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end. Profitez bien du soleil. Ciao, bye bye.